Voyage, exploration, aventure, par Louis Noir. Tome 1er, au Dahomey. Prologue, en Australie, la Terre mystérieuse. La nuit couvre encore de son voile étoilé le désert australien du Victoria, qui s'étend presque d'une rive à l'autre du continent océanien, ayant les monts McDonald pour assise centrale. Point d'eau. Pays inconnu, jamais parcouru. Les plus intrépides explorateurs ont renoncé à pénétrer les secrets de cette région de la soif. Plusieurs, qui espéraient y trouver des sources au flanc des montagnes, entrevues dans le lointain, sont partis dans l'espoir de boire en y arrivant. Aucun de ces martyrs de la science n'est revenu, donc l'aridité des monts est prouvée. Or, en plein désert, à 200 lieues de tout point d'eau, au pied de la chaîne des monts Bruce, un homme dort près d'un petit feu mourant, sous la garde d'une meute de chiens. Il a pourvoyé un havresac de soldats, rembourré de quelques effets. Il disparaît tout entier, sauf la tête, dans un sac de campement en toile imperméabilisée dans un bain d'huile de lin chaude. Autour de ce petit campement, tout est silence et désolation, pas un seul arbre. À perte de vue, dans la plaine, se déroule le tapis d'or du tussoc, l'herbe jaune océanienne aux fortes tiges. Dans la montagne, les rochers de quartz aurifères s'entassent les uns sur les autres en des poses effrayantes. Nul bruit que les respirations de l'homme et des chiens. La solitude est absolue. Rien ne semble vivre dans cette nature frappée de mort. Mais les parfums sauvages qui s'élèvent lentement du sol se modifient et deviennent plus légers. L'aube pâlit la cime des monts. Les plantes se mettent à expirer de l'oxygène. Une sourde agitation commence à se manifester dans les herbes, presque imperceptible d'abord, elle ira grandissant. Sous son action à peine sensible, l'homme s'éveille, se dresse sur son séant, se débarrasse de son sac et se lève, silhouette sombre et hardiment découpée sur le fond argenté de l'horizon. Mâle apparition. 6 pieds de haut. Taille élégante, mince et souple, beau développement d'épaules, jambes fines, bras nerveux de grande envergure, tête d'aigle, noble et dure, regard puissant et magnétique. C'est le type basque dans toute sa pureté originale. Cet homme avait déjà une histoire et un nom. Tout le monde en Australie connaissait le capitaine Dussonville. Il avait commandé au long cours, puis il s'était fait chercheur d'or en Australie, au Queensland, où, par son endurance, son flair, son intelligence et son audace, il avait réussi à pénétrer plus loin que les autres, aux sources mêmes de l'or. Il y avait gagné plus d'un million. Et voilà qu'au lieu de vivre tranquille à Sydney, en spéculant sur les terres, il se trouvait à 25 jours de marche des sources de l'Ashburton. Là seulement, il y avait de l'eau. Comment vivait-il? Cet homme avait donc résolu un problème jusqu'ici insoluble? Évidemment, oui. Quant à ce qu'il faisait là, un prospecteur, c'est-à-dire un chercheur d'or, l'eût deviné à la seule inspection du terrain. Cette chaîne des montagnes de Bruce était formée par du quartz aurifère d'une richesse inouïe. Dans toutes les fentes, dans toutes les ravines, dans tous les creux de rochers, les pépites, dont beaucoup énormes, formaient tapis comme la grève dans les rivières sablonneuses. Au pied des blocs, c'était des amoncellements. Le capitaine Dussonville, arrivé de la veille, avait vu ces richesses incalculables. Il s'était convaincu que la bienheureuse intuition qui l'avait poussé vers ces monts l'avait conduit à un Eldorado australien où plusieurs milliards gisaient sur le sol et resplendissaient sous le soleil, gardés par la soif. Mais lui, comment buvait-il? Il avait de l'eau, pourtant, plein des pots de bouc d'une contenance de 6 litres. D'avoir trouvé une source, il n'y avait pas à y penser. Point de source. Pour lui et ses chiens, une meute de sang très fort métis couplé et hardé, il fallait, par ce climat brûlant, en cette saison surtout, 200 litres d'eau par marche. Or, il avait marché pendant 25 jours et il avait dû faire porter par ses chiens ses provisions et les leurs, calculées. Donc, il avait un secret. Il était là, regardant la montagne et ses trésors, immobile jusqu'au moment où l'aurore teignit les rochers en rose tendre. Alors, il s'arracha à sa contemplation et murmura en langue basque « Allons, Dussonville, c'est assez rêvé. » Ces milliards sont à toi, et si tu sais t'y prendre, nul ne pourra te les disputer. Et quand tu pourras disposer de ces richesses, tu imprimeras ton nom au cœur de l'humanité plus profondément qu'aucun conquérant, qu'aucun explorateur, car tu résoudras les problèmes qui sont restés des mystères insondés. » En ce moment, sa tête superbe, pleine de défis, le faisait ressembler à ce Prométhée antique qui avait ravi aux dieux le feu sacré. Ses chiens, griffons métissés avec des chiennes sauvages australiennes aux longs poils, aux têtes de chimères, bizarrement bardues, le regardaient avec leurs yeux jaunes d'or en fusion, et en l'écoutant avec une pénétrante attention, il semblait vouloir pénétrer le sens, caché pour eux, de la parole humaine. Le capitaine les fit boire abondamment, preuve qu'il n'avait pas aménagé l'eau. Puis il brisa autour de lui des tiges desséchées de hautes herbes, les boutela et les jeta sur le feu qui s'aviva brillamment. Dussonville prépara le café du matin, cher à tout voyageur. Il le prit en y trempant un demi-biscuit de mer, puis il se mit à parcourir la montagne. Il marchait littéralement sur l'or. Au temps primitif, pendant la grande période des pluies diluviennes qui durèrent des milliers et des milliers d'années, ces averses torrentielles désagrégeaient les roches de quartz à peine issues de l'océan qui avait recouvert toute la terre, à peine durcie à l'air. Elles avaient séparé de la boue liquide, effet de la plus grande pesanteur du métal, et les pépites et la poudre d'or, au fond des lits d'écoulement ou de stationnement, les poussières et les grains précieux étaient restés. Jamais regard humain n'avait contemplé ces richesses accumulées. De temps à autre, le capitaine se baissait pour ramasser quelques pépites énormes, mais il fallait qu'elle fût de la grosseur d'un œuf de pigeon pour le tenter. Ce dédain des autres provenait de l'impossibilité d'emporter plus de 600 kilos d'or, soit 6 kilos par chien, plus 20 kilos seulement pour Dussonville lui-même, en tout 1 500 000 francs. En effet, avec ses armes, sa hache-pioche à manche court, son bidon et sa marmite, son plat d'étain et son quart, plus une chemise de rechange, plus 15 livres de provisions, Dussonville ne pouvait raisonnablement se charger de plus de 40 livres d'or, soit une valeur de 60 000 francs seulement, en évaluant le gramme à 3 francs. Combien petite la force d'un seul homme en face d'une terre tapissée d'or? Un soldat ne peut, ne doit porter que 40 kilos. Dussonville, étant donné sa force colossale, aurait pu ajouter 10, peut-être 15 kilos. Mais possesseur de plus d'un million, il ne jugeait pas que 30-40 000 francs de plus, cela valut la peine de s'éreinter. Et combien il avait raison! Avec son million acquis précédemment, il aurait pu vivre dans une grande aisance, en continuant à spéculer sur les terrains. Il était à même de satisfaire tous ses désirs de luxe et de bien-être matériel. Un peu de plus, un peu de moins, pour importer à une grande âme comme la sienne. Mais, pour satisfaire l'orgueilleuse et noble ambition qui s'était emparée de lui, il fallait des milliards ou rien. Or, les 2,5 millions assuraient largement l'exploitation en grand du placeur. Je dis 2,5 millions, 1 million qu'il avait à Sydney et 1,5 qu'il emportait. À quoi bon se fatiguer outre mesure pour l'augmenter de quelques 1,000 francs? Mais le soleil montait dans le ciel et il commençait à pomper la rosée. Dussonville se dit « Allons éponge, il est temps ». Il se dirigea vers le camp, se mit entièrement nu et muni de son bidon, de sa marmite, d'une gourde en peau de bouc. Il entra dans un sentier foulé à travers les herbes qui lui allait à la ceinture et qui ruisselait de rosée. C'était l'heure où celle-ci se condense en grosses gouttelettes. L'ingénieux capitaine, arrivé à un certain point, se baissa et ramassa une énorme éponge posée à terre et gonflée par la rosée. Il en exprima l'eau dans un de ses récipients, puis il passa d'autres éponges jusqu'à ce que tout fût rempli. Alors il mit les éponges à sécher et il emporta le précieux liquide. Il disait plus tard, « L'idée de recueillir l'eau ainsi m'est venue un jour que, sorti trop tôt pour chasser, je sentis mon pantalon de toile trempé de rosée et je fus forcé de le tordre. Il en sortit tant d'eau que je me dis qu'en la recueillant on pouvait boire. J'ai remplacé le pantalon par des éponges et cette judicieuse observation lui permettait de vivre dans un désert sans source. » Arrivé près de son feu, il s'essuya, se sécha au soleil et se vêtit. Puis il aviva à nouveau le foyer et mit 3 poignées de grains dans sa petite marmite remplie d'eau, y ajoutant un peu de sel. Après avoir attendu 1 heure encore, il laissa sa marmite sur les cendres chaudes, il ne prit qu'une musette et sa hachette-pioche, puis il se dit en souriant, « Plus de rosée, en chasse !» En ce moment, la sourde rumeur de vie, qui avec l'aurore s'était dégagée des herbes, avait grandi. On y entendait des cris d'insectes, de reptiles, de petits animaux du genre des gerboises, très semblables à celles qu'on appelle au Sahara des kangourous. Cet animal boit-il la rosée où l'eau n'est-elle pas nécessaire à son existence, privilège qui est aussi celui des lapins et des lièvres? Les naturalistes n'ont pas encore élucidé la question. Toujours est-il que le capitaine siffle à ses chiens et les mit en chasse. Au bout d'un quart d'heure à peine, il se battait avec un serpent long de plus de 5,50 m et le dévorait. Ils en découvrirent plusieurs autres et les mangèrent. C'était leur déjeuner. Le capitaine les laissa faire. Peu après, ils grattèrent l'entrée du terrier d'une gerboise. Le capitaine prit sa hachette pioche et creusa pour mettre le trou à découvert. La gerboise bondit dehors, un chien l'étrangla et le capitaine la lui enleva. Puis il reprit son travail et mit au jour le fond de la retraite de l'animal. Il y avait chambre à coucher et grenier, le tout tapissé d'herbes sèches. Dans le grenier, l'intelligent petit animal avait entassé plus d'un litre de graines extrêmement petites, provenant de différentes graminées mais excellentes. Celles qui cuisaient dans la marmite au camp avaient semblable provenance. Du sang-ville, chemin faisant, tua un beau lézard à collerette et se dit « Voilà de quoi déjeuner et dîner !» Il mit, après avoir vidé et écorché, ses deux rôtis à la ficelle, devant un feu vif. Quand ils furent à point, il déjeuna, accompagnant la viande exquise du lézard du plat de grains assaisonné au jus. Il plaça la gerboise dans sa musette, se fit du café, but une légère goutte de rhum, puis fuma une cigarette, après quoi il se remit au travail. Telle fut sa vie jusqu'à ce qu'il eût rassemblé 620 kilos d'or. Ayant terminé, il chargea sa meute, troussa bagage, pacta son havresac, le mit sur son dos, prit ses armes, siffla ses chiens et partit en disant « Avant un an, je serai ici et je pourrai ramasser mes milliards. » Il s'éloigna sans tourner la tête, suivi de sa meute chargée d'or et du reste des provisions. Il avait le stoïcisme des hommes forts et le déterminisme des hommes d'action. Derrière, sous le soleil ardent, l'or étincelait au flanc de la montagne d'or. Mais un œil humain avait terni sa virginité.